Section 26 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 8e. Suite. Voici quelques extraits de la correspondance qu'ouvre avec moi Madame la Duchesse de Cumberland. 19 avril, jeudi. Note. 19 avril 1821, Chateaubriand était parti pour Paris afin d'assister au baptême du duc de Bordeaux. Fin de note. Ce matin, à mon réveil, on m'a remis le dernier témoignage de votre souvenir. Plus tard, j'ai passé devant votre maison, j'y ai vu des fenêtres ouvertes comme de coutume, tout était à la même place, excepté vous. Je ne puis vous dire ce que cela m'a fait éprouver. Je ne sais plus maintenant où vous trouvez, chaque instant vous éloigne davantage. Le seul point fixe est le 26, jour où vous comptez arriver, et le souvenir que je vous conserve. Dieu veuille que vous trouviez tout changé pour le mieux et pour vous et pour le bien général. Accoutumé au sacrifice, je saurai encore porter celui de ne plus vous revoir, si c'est pour votre bonheur et celui de la France. 22. Depuis jeudi, j'ai passé devant votre maison tous les jours pour aller à l'église. J'y ai bien prié pour vous. Vos fenêtres sont constamment ouvertes, cela me touche. Qui est-ce qui a pour vous cette attention à suivre vos goûts et vos ordres, malgré votre absence? Il me prend l'idée quelquefois que vous n'êtes pas parti, que des affaires vous arrêtent, ou que vous avez voulu écarter les importuns pour en finir à votre aise. Ne croyez pas que cela soit un reproche, il n'y a que ce moyen, mais si cela est, veuillez me le confier. 23. Il fait aujourd'hui une chaleur si prodigieuse, même à l'église, que je ne puis faire ma promenade à l'heure ordinaire. Cela m'est bien égal à présent. Le cher petit bois n'a plus de charme pour moi, tout le monde m'y ennuie. Ce changement subit du froid au chaud est commun dans le Nord. Les habitants ne tiennent pas, par leur modération de caractère et de sentiment, du climat. 24. La nature est bien embellie. Toutes les feuilles ont poussé depuis votre départ. J'aurais voulu qu'elles fussent venues 2 jours plus tôt pour que vous ayez pu emporter dans votre souvenir une image plus riante de votre séjour ici. Berlin, 12 mai 1821. Dieu merci, voilà enfin une lettre de vous. Je savais bien que vous ne pouviez m'écrire plus tôt. Mais, malgré tous les calculs que faisait ma raison, 3 semaines, ou pour mieux dire 23 jours, sont bien longs pour l'amitié dans la privation, et rester sans nouvelles ressemble au plus triste exil. Il me restait pourtant le souvenir et l'espérance. Le 15 mai. Ce n'est pas de mon étrier comme le grand turc, mais toujours de mon lit que je vous écris. Mais cette retraite m'a donné tout le temps de réfléchir au nouveau régime que vous voulez faire tenir à Henri V. J'en suis très contente. Le lion rôti ne pourra que lui faire grand bien. Je vous conseille seulement de le faire commencer par le cœur. Il faudra faire manger de l'agneau à l'autre de vos élèves, Georges, pour qu'il ne fasse pas trop le diable à 4. Il faut absolument que ce plan d'éducation se réalise et que Georges et Henri V deviennent bons amis et bons alliés. Madame la Duchesse de Cumberland continua de m'écrire des eaux d'Ems, ensuite des eaux de Schwalbach et après de Berlin, où elle revint le 22 septembre de l'année 1821. Elle me mandait d'Ems, le couronnement en Angleterre se fera sans moi. Je suis peinée que le roi ait fixé pour se faire couronner le jour le plus triste de ma vie, celui auquel j'ai vu mourir cette sœur adorée, la reine de Prusse. Note. Le couronnement de Georges IV, roi d'Angleterre, eut lieu le 19 juillet 1821. La reine Louise de Prusse était morte le 19 juillet 1810. Fin de note. La mort de Bonaparte m'a aussi fait penser aux souffrances qu'il lui a causées. De Berlin, le 22 septembre. J'ai déjà revu ces grandes allées solitaires. Que je vous serai redevable si vous m'envoyez, comme vous me le promettez, les vers que vous avez faits pour Charlottenburg. J'ai aussi repris le chemin de la maison dans le bois, où vous eûtes la bonté de m'aider à secourir la pauvre femme de Spandau. Que vous êtes bon de vous souvenir de ce nom. Tout me rappelle des temps heureux. Il n'est pas nouveau de regretter le bonheur. Au moment où j'allais expédier cette lettre, j'apprends que le roi a été détenu en mer par des tempêtes et probablement repoussé sur les côtes de l'Irlande. Il n'était pas arrivé à Londres le 14, mais vous serez instruit de son retour plus tôt que nous. La pauvre princesse Guillaume a reçu aujourd'hui la triste nouvelle de la mort de sa mère, la landgrève douairière de Hessembourg. Vous voyez comme je vous parle de tout ce qui concerne notre famille. Veuille le ciel que vous ayez de meilleures nouvelles à me donner. Ne semblerait-il pas que la sœur de la belle reine de Prusse me parle de notre famille, comme si elle avait la bonté de m'entretenir de mon aïeul, de ma tante et de mes obscurs parents de Planquet ? La famille royale de France m'a-t-elle jamais honorée d'un sourire pareil à celui de cette famille royale étrangère, qui pourtant me connaissait à peine et ne me devait rien ? Je supprime plusieurs autres lettres affectueuses. Elles ont quelque chose de souffrant et de contenu, de résigné et de noble, de familier et d'élevé. Elles servent de contrepoint à ce que j'ai dit de trop sévère, peut-être, sur les races souveraines. 1000 ans en arrière, et la princesse Frédérique, étant fille de Charlemagne, eut emporté la nuit Eginhard sur ses épaules afin qu'il ne laissât sur la neige aucune trace. Je viens de relire ce livre en 1840. Je ne puis m'empêcher d'être frappée de ce continuel roman de ma vie. Que de destinées manquées ! Si j'étais retournée en Angleterre avec le petit Georges, l'héritier possible de cette couronne, j'aurais vu s'évanouir le nouveau songe qui aurait pu me faire changer de patrie, de même que si je n'eusse pas été mariée, je serais restée une première fois dans la patrie de Shakespeare et de Milton. Le jeune duc de Cumberland, qui a perdu la vue, n'a point épousé sa cousine, la reine d'Angleterre. La duchesse de Cumberland est devenue reine de Hanovre. Où est-elle ? Est-elle heureuse ? Où suis-je ? Grâce à Dieu, dans quelques jours, je n'aurai plus à promener mes regards sur ma vie passée, ni à me faire ces questions. Mais il m'est impossible de ne pas prier le ciel de répandre ses faveurs sur les dernières années de la princesse Frédérique. Note. La reine de Hanovre mourut au mois de juillet 1841. Fin de note. Je n'avais été envoyé à Berlin qu'avec le rameau de la paix parce que ma présence jetait le trouble dans l'administration. Mais, connaissant les inconstances de la fortune et sentant que mon rôle politique n'était pas fini, je surveillais les événements. Je ne voulais pas abandonner mes amis. Je m'aperçus bientôt que la réconciliation entre le parti royaliste et le parti ministériel n'avait pas été sincère. Des défiances et des préjugés restaient. On ne faisait pas ce qu'on m'avait promis. On commençait à m'attaquer. L'entrée au conseil de messieurs de Villèle et Corbière avait excité la jalousie de l'extrême droite. Elle ne marchait plus sous la bannière du premier, et celui-ci, dont l'ambition était impatiente, commençait à se fatiguer. Nous échangeâmes quelques lettres. Monsieur de Villèle regrettait d'être entré au conseil. Il se trompait. La preuve que j'avais vue juste, c'est qu'un an ne s'était pas écoulé qu'il devint ministre des Finances et que monsieur de Corbière eut l'intérieur. Note. Le 14 décembre 1822, messieurs de Villèle et Corbière étaient devenus le premier ministre des Finances et le second ministre de l'Intérieur. Fin de note. Je m'expliquais aussi avec monsieur le baron Pasquier. Je lui mandais le 10 février 1821. J'apprends de Paris, monsieur le baron, par le courrier arrivé ce matin, 9 février, qu'on a trouvé mauvais que j'eusse écrit de Mayence au prince de Hardenberg, ou même que je lui eusse envoyé un courrier. Je n'ai point écrit à monsieur de Hardenberg, et encore moins lui ai-je envoyé un courrier. Je désire, monsieur le baron, que l'on m'évite des tracasseries. Quand mes services ne seront plus agréables, on ne peut me faire un plus grand plaisir que de me le dire tout rondement. Je n'ai ni sollicité ni désiré la mission dont on m'a chargé. Ce n'est ni par goût ni par choix que j'ai accepté un honorable exil, mais pour le bien de la paix. Si les royalistes se sont ralliés au ministère, le ministère n'ignore pas que j'ai eu le bonheur de contribuer à cette réunion. J'aurai quelque droit de me plaindre. Qu'a-t-on fait pour les royalistes depuis mon départ ? Je ne cesse d'écrire pour eux. M'écoute-t-on ? Monsieur le baron, j'ai, grâce à Dieu, autre chose à faire dans la vie qu'à assister à des bals. Mon pays me réclame, ma femme malade a besoin de mes soins, mes amis redemandent leur guide. Je suis au-dessus ou au-dessous d'une ambassade et même d'un ministère d'État. Vous ne manquerez pas d'hommes plus habiles que moi pour conduire les affaires diplomatiques. Ainsi, il serait inutile de chercher des prétextes pour me faire des chicanes. J'entendrai à demi-mot et vous me trouverez disposé à rentrer dans mon obscurité. Tout cela était sincère. Cette facilité à tout planter là et à ne regretter rien m'eût été une grande force, eussé-je eu quelque ambition. Ma correspondance diplomatique avec M. Pasquier allait son train. continuant de m'occuper de l'affaire de Naples, je disais numéro 15, 20 février 1821. L'Autriche rend un service aux monarchies en détruisant l'édifice jacobin des deux Siciles. Mais elle perdrait ces mêmes monarchies si le résultat d'une expédition salutaire et obligée était la conquête d'une province ou l'oppression d'un peuple. Il faut affranchir Naples de l'indépendance démagogique et y établir la liberté monarchique, y briser des fers et non pas y porter des chaînes. Mais l'Autriche ne veut pas de constitution à Naples. Qui mettra-t-elle? Des hommes? Où sont-ils? Il suffira d'un curé libéral et de 200 soldats pour recommencer. C'est après l'occupation volontaire ou forcée que vous devez vous interposer pour faire établir à Naples un gouvernement constitutionnel où toutes les libertés sociales soient respectées. J'avais toujours conservé en France une prépondérance d'opinion qui m'obligeait à porter mes regards sur l'intérieur. J'osais soumettre ce plan à mon ministre. Adopter franchement le gouvernement constitutionnel. Présenter le renouvellement septennal sans prétendre conserver une partie de la chambre actuelle, ce qui serait suspect, ni garder le tout, ce qui serait dangereux. Renoncer aux lois d'exception, source d'arbitraire, sujet éternel de querelles et de calomnies. Affranchir les communes du despotisme ministériel. Dans ma dépêche du 3 mars, numéro 18, je revenais sur l'Espagne, je disais « Il serait possible que l'Espagne changeât promptement sa monarchie en république. Sa constitution doit porter son fruit. Le roi, ou fuira, ou sera massacré ou déposé. Il n'est pas homme assez fort pour s'emparer de la Révolution. Il est possible encore que cette même Espagne subsistât pendant quelque temps dans l'État populaire si elle se formait en République fédérative, agrégation à laquelle elle est plus propre que tout autre pays par la diversité de ses royaumes, de ses mœurs, de ses lois et même de son langage. L'affaire de Naples revient encore 3 ou 4 fois. Je fais observer, 6 mars, numéro 19. Que la légitimité n'a pu jeter de profondes racines dans un État qui a changé si souvent de maître, et dont les habitudes ont été bouleversées par tant de révolutions. Les affections n'ont pas eu le temps de naître, les mœurs de recevoir l'empreinte uniforme des siècles et des institutions. Il y a dans la nation napolitaine beaucoup d'hommes corrompus ou sauvages, qui n'ont aucun rapport entre eux, et qui ne sont attachés à la couronne que par de faibles liens. La royauté, pour être respectée, est trop près de la Garonne et trop loin du Calabrais. Pour établir la liberté démocratique, les Français eurent trop de vertus militaires. Les Napolitains n'en auront pas assez. Enfin, je dis quelques mots du Portugal et de l'Espagne encore. Le bruit se répandait que Jean VI s'était embarqué à Rio de Janeiro pour Lisbonne. C'était un jeu de la fortune digne de notre temps qu'un roi de Portugal allant chercher auprès d'une révolution en Europe un abri contre une révolution en Amérique et passant au pied du rocher où était retenu le conquérant qui le contraignit autrefois de se réfugier dans le Nouveau Monde. « Tout est à craindre de l'Espagne, disais-je, 17 mars, numéro 21. La révolution de la péninsule parcourra ces périodes à moins qu'il ne se lève un bras capable de l'arrêter. » Mais ce bras, où est-il? C'est toujours là la question. Le bras, j'ai eu le bonheur de le trouver en 1823. C'est celui de la France. Je retrouve avec plaisir dans ce passage de ma dépêche du 10 avril, numéro 26, ma jalouse antipathie contre les Alliés et ma préoccupation pour la dignité de la France. Je disais, à propos du Piémont, je ne crains nullement la prolongation des troubles du Piémont dans ses résultats immédiats. Mais elle peut produire un mal éloigné en motivant l'intervention militaire de l'Autriche et de la Russie. L'armée russe est toujours en mouvement et n'a point reçu de contre-ordre. Voyez si dans ce cas, il ne serait pas de la dignité et de la sûreté de la France de faire occuper la Savoie par 25 000 hommes, tout le temps que la Russie et l'Autriche occuperaient le Piémont. Je suis persuadé que cet acte de vigueur et de haute politique, en flattant l'amour-propre français, serait par cela seul très populaire et ferait un honneur infini aux ministres. 10 000 hommes de la garde royale et un choix fait sur le reste de nos troupes vous composeraient facilement une armée de 25 000 soldats excellents et fidèles. La cocarde blanche sera assurée lorsqu'elle aura revu l'ennemi. Je sais, monsieur le baron, que nous devons éviter de blesser l'amour-propre français et que la domination des Russes et des Autrichiens en Italie peut soulever notre orgueil militaire. Mais nous avons un moyen facile de le contenter, c'est d'occuper nous-mêmes la Savoie. Les royalistes seront charmés, et les libéraux ne pourraient qu'applaudir en nous voyant prendre une attitude digne de notre force. Nous aurions à la fois le bonheur d'écraser une révolution démagogique et l'honneur de rétablir la prépondérance de nos armes. Ce serait mal connaître l'esprit français que de craindre de rassembler 25 000 hommes pour marcher en pays étranger et pour tenir rang avec les Russes et les Autrichiens comme puissance militaire. Je répondrai de l'événement sur ma tête. Nous avons pu rester neutres dans l'affaire de Naples. Pouvons-nous l'être pour notre sûreté et pour notre gloire dans les troubles du Piémont ? Ici se découvre tout mon système. J'étais français. J'avais une politique assurée bien avant la guerre d'Espagne et j'entrevoyais la responsabilité que mes succès, même si j'en obtenais, feraient peser sur ma tête. Tout ce que je rappelle ici ne peut sans doute intéresser personne. Mais tel est l'inconvénient des mémoires. Lorsqu'ils n'ont point de faits historiques à raconter, ils ne vous entretiennent que de la personne de l'auteur et vous en assomment. Laissons là ces ombres oubliées. J'aime mieux rappeler que Mirabeau, inconnu, remplissait à Berlin en 1786 une mission ignorée et qu'il fut obligé de dresser un pigeon pour annoncer au roi de France le dernier soupir du terrible Frédéric. Je fus dans quelque perplexité, dit Mirabeau. Il était sûr que les portes de la ville seraient fermées. Il était même possible que les ponts de l'île de Potsdam fussent levés aussitôt l'événement, et dans ce dernier cas, on pouvait être aussi longtemps incertain que le nouveau roi le voudrait. Dans la première supposition, comment faire partir un courrier ? Nul moyen d'escalader les remparts ou les palissades sans s'exposer à une affaire. Les sentinelles faisant une chaîne de 40 en 40 pas derrière la palissade, que faire ? Si j'eusse été ministre, la certitude des symptômes mortels m'aurait décidé à expédier avant la mort, car que fait de plus le mot « mort » ? Dans ma position, le devais-je. Quoi qu'il en fût, le plus important était de servir. J'avais de grandes raisons de me méfier de l'activité de notre légation. Que fais-je ? J'envoie sur un cheval vif et rigoureux un homme sûr à 4 000 de Berlin, dans une ferme, du pigeonnier de laquelle je possédais depuis quelques jours 2 paires de pigeons, dont le retour avait été essayé, en sorte qu'à moins que les ponts de l'île de Potsdam ne fussent levés, j'étais sûr de mon fait. J'ai donc trouvé que nous n'étions pas assez riches pour jeter 100 louis par la fenêtre. J'ai renoncé à toutes mes belles avances qui m'avaient coûté quelques méditations, quelques activités, quelques louis, et j'ai lâché mes pigeons avec des « revenez ». Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ? Je l'ignore. Mais je n'avais pas mission expresse, et l'on sait quelquefois mauvais gré de la surérogation. On enjoignait aux ambassadeurs d'écrire, pendant leur séjour à l'étranger, un mémoire sur l'état des peuples et des gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités. Cette suite de mémoires pouvait être utile à l'histoire. Aujourd'hui, on fait les mêmes injonctions, mais presque aucun agent diplomatique ne s'y soumet. J'ai été trop peu de temps dans mes ambassades pour mettre à fin de longues études. Néanmoins, je les ai ébauchées. Ma patience au travail n'a pas entièrement été stérile. Je trouve cette esquisse commencée de mes recherches sur l'Allemagne. Après la chute de Napoléon, l'introduction des gouvernements représentatifs dans la Confédération germanique a réveillé en Allemagne ces premières idées d'innovation que la Révolution y avait d'abord fait naître. Elles y ont fomenté quelque temps avec une grande violence. On avait appelé la jeunesse à la défense de la patrie par une promesse de liberté. Cette promesse avait été avidement reçue par des écoliers qui trouvaient dans leur maître le penchant que les sciences ont eu dans ce siècle à seconder les théories libérales. Sous le ciel de la Germanie, cet amour de la liberté devint une espèce de fanatisme sombre et mystérieux qui se propagea par des associations secrètes. Sand vint effrayer l'Europe. Cet homme, au reste, qui révélait une secte puissante, n'était qu'un enthousiaste vulgaire. Il se trompa et prit pour un esprit transcendant un esprit commun. Son crime s'alla perdre sur un écrivain dont le génie ne pouvait aspirer à l'empire et n'avait pas assez du conquérant et du roi pour mériter un coup de poignard. Une espèce de tribunal d'inquisition politique et la suppression de la liberté de la presse ont arrêté ce mouvement des esprits. Mais il ne faut pas croire qu'ils en aient brisé le ressort. L'Allemagne, comme l'Italie, désire aujourd'hui l'unité politique. Et avec cette idée qui restera dormante, plus ou moins de temps, selon les événements et les hommes, on pourra toujours, en la réveillant, être sûr de remuer les peuples germaniques. Les princes ou les ministres qui pourront paraître dans les rangs de la Confédération des États allemands hâteront ou retarderont la révolution dans ce pays, mais ils n'empêcheront point la race humaine de se développer. Chaque siècle a sa race. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en Allemagne, ni même en Europe. On est passé des géants aux nains et tombé de l'immense dans l'étroit et le borné. La Bavière, par les bureaux qu'a formés M. de Montgelas, pousse encore aux idées nouvelles, quoiqu'elle ait reculé dans la carrière, tandis que le Landgraviat de Hesse n'admettait pas même qu'il y eût une révolution en Europe. Le prince qui vient de mourir voulait que ses soldats, naguère soldats de Jérôme Bonaparte, portassent de la poudre et des queues. Il prenait les vieilles modes pour les vieilles mœurs, oubliant qu'on peut copier les premières, mais qu'on ne rétablit jamais les secondes. À Berlin et dans le Nord, les monuments sont des forteresses. Leur seul aspect sert le cœur. Qu'on retrouve ces places dans des pays habités et fertiles, elles font naître l'idée d'une légitime défense. Les femmes et les enfants, assises ou jouant à quelque distance des sentinelles, contrastent assez agréablement. Mais une forteresse sur des bruyères, dans un désert, rappelle seulement des colères humaines. Contre qui sont-ils élevés, ces remparts, si ce n'est contre la pauvreté et l'indépendance? Il faut être moi pour trouver un plaisir à rôder au pied de ces bastions, à entendre le vent siffler dans ces tranchées, à voir ces parapets élevés en prévision d'ennemis qui, peut-être, n'apparaîtront jamais. Ces labyrinthes militaires, ces canons muets en face les uns des autres, sur des angles saillants et gazonnés, ces vedettes de pierre où l'on n'aperçoit personne et d'où aucun œil ne vous regarde, sont d'une incroyable morosité. Si, dans la double solitude de la nature et de la guerre, vous rencontrez une pâquerette abritée sous le redan d'un glacis, cette aménité de flore vous soulage. Lorsque, dans les châteaux de l'Italie, j'apercevais des chèvres appendues aux ruines et la chevrière assise sous un pin à parasol, quand, sur les murs du Moyen-Âge dont Jérusalem est entourée, mes regards plongeaient dans la vallée de Cédron sur quelques femmes arabes qui gravissaient des escarpements parmi des cailloux. Le spectacle était triste sans doute, mais l'histoire était là et le silence du présent ne laissait que mieux entendre le bruit du passé. J'avais demandé un congé à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux. Ce congé m'étant accordé, je me préparais à partir. Voltaire, dans une lettre à sa nièce, dit qu'il voit couler la Sprée, que la Sprée se jette dans l'Elbe dans la mer, et que la mer reçoit la Seine. Il descendait ainsi vers Paris. Avant de quitter Berlin, j'allais faire une dernière visite à Charlottenburg. Ce n'était ni Windsor, ni Aranjuez, ni Caserte, ni Fontainebleau. La villa, appuyée sur un hameau, est environnée d'un parc anglais de peu d'étendue et d'où l'on découvre au dehors des friches. La reine de Prusse jouit ici d'une paix que la mémoire de Bonaparte ne pourra plus troubler. Quel bruit le conquérant fit jadis dans cet asile du silence quand il y surgit avec ses fanfares et ses légions ensanglantées à Iéna. C'est de Berlin, après avoir effacé de la carte le royaume de Frédéric le Grand, qu'il dénonça le blocus continental et prépara dans son esprit la campagne de Moscou. Ses paroles avaient déjà porté la mort au cœur d'une princesse accomplie. Elle dort maintenant à Charlottenburg, dans un caveau monumental. Une statue, beau portrait de marbre, la représente. Je fis sur le tombeau des vers que me demandait la duchesse de Cumberland. Le voyageur. Sous les hauts pins qui protègent ses sources, gardien, dis-moi quel est ce monument nouveau. Le gardien. Un jour il deviendra le terme de tes courses, ô voyageur. C'est un tombeau. Le voyageur. Qui repose en ces lieux? Le gardien. Un objet plein de charme. Le voyageur. Qu'on aima? Le gardien. Qui fut adoré. Le voyageur. Ouvre-moi. Le gardien. Si tu crains les larmes, n'entre pas. Le voyageur. J'ai souvent pleuré. De la Grèce ou de l'Italie, on a ravi ce marbre à la pompe des morts. Quel tombeau l'a cédé pour enchanter ses bords? Est-ce Antigone ou Cornélie? Le gardien. La beauté dont l'image excite les transports parmi nos bois passa sa vie. Le voyageur. Qui pour elle, à ses murs de marbre revêtus, suspendit tour à tour ses couronnes fanées? Le gardien. Les beaux enfants, dont ses vertus, ici-bas, furent couronnés. Le voyageur : on vient. Le gardien : c'est un époux. Il porte ici ses pas pour nourrir en secret un souvenir funeste. Le voyageur : il a donc tout perdu. Le gardien : non, un trône lui reste. Le voyageur : un trône ne console pas. J'arrivai à Paris à l'époque des fêtes du baptême de M. le duc de Bordeaux. Le berceau du petit-fils de Louis XIV, dont j'avais eu l'honneur de payer le port, a disparu comme celui du roi de Rome. Dans un temps différent de celui-ci, le forfait de Louvel eût assuré le sceptre à Henri V. Mais le crime n'est plus un droit que pour l'homme qui le commet. Après le baptême de M. le duc de Bordeaux, on me réintégra enfin dans mon ministère d'État. M. de Richelieu me l'avait ôté, M. de Richelieu me le rendit. La réparation ne me fut pas plus agréable que le tort ne m'avait blessé. Tandis que je me flattais d'aller revoir mes corbeaux, les cartes se brouillèrent. M. de Villèle se retira. Fidèle à mon amitié et à mes principes politiques, je crus devoir rentrer dans la retraite avec lui. J'écrivis à M. Pasquier, Paris, ce 30 juillet 1821. « Monsieur le baron, lorsque vous voulûtes bien m'inviter à passer chez vous le 14 de ce mois, ce fut pour me déclarer que ma présence était nécessaire à Berlin. J'eus l'honneur de vous répondre que messieurs de Corbière et de Villèle, paraissant se retirer du ministère, mon devoir était de les suivre. Dans la pratique du gouvernement représentatif, l'usage est que les hommes de la même opinion partagent la même fortune. Ce que l'usage veut, monsieur le baron, l'honneur me le commande, puisqu'il s'agit non d'une faveur, mais d'une disgrâce. En conséquence, je viens vous réintégrer par écrit l'offre que je vous ai faite verbalement de ma démission de ministre plénipotentiaire à la cour de Berlin. J'espère, monsieur le baron, que vous voudrez bien la mettre au pied du roi. Je supplie sa majesté d'en agréer les motifs et de croire à ma profonde et respectueuse reconnaissance pour les bontés dont elle avait daigné m'honorer. J'ai l'honneur d'être, etc., Chateaubriand. J'annonçai à M. le comte de Bernstorff l'événement qui interrompait nos relations diplomatiques. Il me répondit, « Monsieur le vicomte, bien que depuis longtemps je dusse m'attendre à l'avis que vous avez bien voulu me donner, je n'en suis pas moins péniblement affecté. Je connais et je respecte les motifs qui, dans cette circonstance délicate, ont déterminé vos résolutions. Mais, en ajoutant de nouveaux titres à ceux qui vous ont valu dans ce pays une estime universelle, ils augmentent aussi les regrets qu'on y éprouve par la certitude d'une perte longtemps redoutée et à jamais irréparable. Ces sentiments sont vivement partagés par le roi et la famille royale, et je n'attends que le moment de votre appel pour vous le dire d'une manière officielle. Conservez-moi, je vous prie, souvenir et bienveillance, et agréez la nouvelle expression de mon inviolable dévouement et de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc., etc., Bernstorff. Berlin, le 25 août 1821. Je m'étais empressé d'exprimer mon amitié et mes regrets à M. Ancillon. Sa très belle réponse, mon éloge à part, mérite d'être consignée ici. Berlin, le 22 septembre 1821. Vous êtes donc, monsieur et illustre ami, irrévocablement perdu pour nous. Je prévoyais ce malheur, et cependant il m'a affecté, comme s'il avait été inattendu. Nous méritions de vous conserver et de vous posséder, parce que nous avions du moins le faible mérite de sentir, de reconnaître, d'admirer toute votre supériorité. Vous dire que le roi, les princes, la cour et la ville vous regrettent, c'est faire leur éloge plus que le vôtre. Vous dire que je me réjouis de ces regrets, que j'en suis fier pour ma patrie, et que je les partage vivement, ce serait rester fort au-dessous de la vérité, et vous donner une bien faible idée de ce que j'éprouve. Permettez-moi de croire que vous me connaissez assez pour lire dans mon cœur. Si ce cœur vous accuse, mon esprit non seulement vous absout, mais rend encore hommage à votre noble démarche et aux principes qui vous l'ont dicté. Vous deviez à la France une grande leçon et un bel exemple. Vous lui avez donné l'une et l'autre en refusant de servir un ministère qui ne sait pas juger sa situation ou qui n'a pas le courage d'esprit nécessaire pour en sortir. Dans une monarchie représentative, les ministres et ceux qui l'emploient dans les premières places doivent former un tout homogène et dont toutes les parties soient solidaires les unes des autres. Là, moins que partout ailleurs, on doit se séparer de ses amis. On se soutient et l'on monte avec eux, on descend et tombe de même. Vous avez prouvé à la France la vérité de cette maxime en vous retirant avec messieurs de Villèle et Corbière. Vous lui avez appris en même temps que la fortune n'entre pas en considération quand il s'agit des principes. Et certes, quand les vôtres n'auraient pas pour eux la raison, la conscience et l'expérience de tous les siècles, il suffirait des sacrifices qu'ils dictent à un homme tel que vous pour établir en leur faveur une présomption puissante aux yeux de tous ceux qui se connaissent en dignité. J'attends avec impatience le résultat des prochaines élections pour tirer l'horoscope de la France. Elles décideront de son avenir. Adieu, mon illustre ami, faites quelquefois tomber des hauteurs que vous habitez quelques gouttes de rosée sur un cœur qui ne cessera de vous admirer et de vous aimer que lorsqu'il cessera de battre. En Sillon, attentif au bien de la France, sans plus m'occuper de moi ni de mes amis, je remis à cette époque la note suivante à monsieur. Note. Si le roi me faisait l'honneur de me consulter, voici ce que je proposerais pour le bien de son service et le repos de la France. Le centre gauche de la chambre élective a satisfaction dans la nomination de M. Royer-Collard. Pourtant, je croirais la paix plus assurée si l'on introduisait dans le conseil un homme de mérite pris dans cette opinion et choisi parmi les membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Placer encore dans le conseil un député du côté droit indépendant. Achevez de distribuer les directions dans cet esprit. Quant aux choses, présentez dans un temps opportun une loi complète sur la liberté de la presse, dans laquelle loi la poursuite en tendance et la censure facultative seraient abolies. Présentez une loi communale. Complétez la loi sur la septennalité en portant l'âge éligible à 30 ans. En un mot, marchez la charte à la main. Défendre courageusement la religion contre l'impiété, mais la mettre en même temps à l'abri du fanatisme et des imprudences d'un zèle qui lui font beaucoup de mal. Quant aux affaires du dehors, 3 choses doivent guider les ministres du roi : l'honneur, l'indépendance et l'intérêt de la France. La France nouvelle est toute royaliste. Elle peut devenir toute révolutionnaire. Que l'on suive les institutions et je répandrai sur ma tête d'un avenir de plusieurs siècles. Que l'on viole ou que l'on tourmente ces institutions, et je ne répondrai pas d'un avenir de quelques mois. Moi et mes amis, nous sommes prêts à appuyer de tout notre pouvoir une administration formée d'après les bases ci-dessus indiquées. Chateaubriand. Une voix où la femme dominait la princesse vint donner une consolation à ce qui n'était que le déplaisir d'une vie variant sans cesse. L'écriture de Madame la Duchesse de Cumberland était si altérée que j'eus quelque peine à la reconnaître. La lettre portait la date du 28 septembre 1821. C'est la dernière que j'ai reçue de cette main royale. Hélas, les autres nobles amis qui dans ces temps me soutenaient à Paris ont quitté cette terre. Resterai-je donc avec une telle obstination ici-bas qu'aucune des personnes auxquelles je suis attachée ne puisse me survivre ? Heureux ceux sur qui l'âge fait l'effet du vin et qui perdent la mémoire quand ils sont rassasiés de jour. Les démissions de messieurs de Villèle et de Corbière ne tardèrent pas à produire la dissolution du cabinet et à faire entrer mes amis au conseil comme je l'avais prévu. Monsieur le vicomte de Montmorency fut nommé ministre des Affaires étrangères, monsieur de Villèle ministre des Finances, monsieur de Corbière ministre de l'Intérieur. J'avais eu trop de part au dernier mouvement politique, et j'exerçais une trop grande influence sur l'opinion pour qu'on me pût laisser de côté. Il fut résolu que je remplacerais M. le duc de Cazes à l'ambassade de Londres. Louis XVIII consentait toujours à m'éloigner. Je l'allais remercier. Il me parla de son favori avec une constance d'attachement rare chez les rois. Il me pria d'effacer dans la tête de Georges IV les préventions que ce prince avait conçues contre M. de Cazes, d'oublier moi-même les divisions qui avaient existé entre moi et l'ancien ministre de la police. Ce monarque, à qui tant de malheurs n'avait pu arracher une larme, était ému de quelques souffrances dont pouvait avoir été affligé l'homme qu'il avait honoré de son amitié. Ma nomination réveilla mes souvenirs. Charlotte revint à ma pensée. Ma jeunesse, mon émigration, m'apparurent avec leurs peines et leurs joies. La faiblesse humaine me faisait aussi un plaisir de reparaître connu et puissant, là où j'avais été ignoré et faible. Madame de Chateaubriand, craignant la mer, n'osa passer le détroit, et je partis seul. Les secrétaires de l'ambassade m'avaient devancé. Fin de la section 26.